Premier pas sur le passé, ils prennent deux tours et on s'accroche. On coche trois fois plus de peur, on se plie en quatre et on décroche. Up des cinq, attend la suite, triple six se légalise. En guise de blanche neige dans le zèle, mais ton mandat c'est le grand 8. Tu nous promets toujours du neuf, des commandements qui prennent la fuite. 11-09, on s'en rappelle, l'armée des singes n'est pas qu'un film. Mais malchance ou pas, et le roi soleil n'est pas mort. On gazait deux là, ses cousins, mais c'est Paname sur pavé d'or. Appelle ça une disquette de plus, et les majeurs sont immatures. 19 piges que je pense à toi, plus de la vingtaine que j'en suis sûr. Comme une odyssée de l'espèce, et v'là les ch'tards qui ont des guns. J'en lâche une pour toi mon frère, bientôt 24, toujours le seul. Bientôt un quart de siècle, un coup de 16, et bientôt la grossesse. De balles en mousse, de billes en pièces, de tics qui s'attiessent. Les années passent, mais les connards là-haut sont immortels. Du bise à l'appel, et le peuple à la peine. Les années passent, mais les connards là-haut sont immortels. Du bise à l'appel, et le peuple à la peine. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le temps sans couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le monde. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le torse à en couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le mur. La jeunesse part dans l'oubli, nous sommes des bêtes blessées. Et si on joue avec nos vies, parce que c'est tout ce qu'on a laissé. Mais vois ce que t'as légué, tu nous juges de tes erreurs. L'amour c'est trop léger, pour ton héritage de peur. Tu m'étonnes que ce soit la merde, qu'on se tise jusqu'au coma. Qu'on devienne tous accro à l'air, et que chez tous ça devienne commun. Nous on a pas fait la guerre, et on pèse des récompenses. Pas de fierté, tu es un frère, même un assis sur la potence. Tu souces les boules à tes poètes, et nos rappeurs dans le mépris. Je ne chante pas de sang impur, car le respect je l'ai appris. On n'a pas détruit la terre, on n'a pas peur de la monnaie. On n'a pas ramené le taser, et on n'a pas colonisé. On ne vit pas dans le passé, j'ai pas de problème de couleur. L'islam me dérange pas, l'apprentissage c'est ma douceur. Je respecte mes frères et sœurs, pas tes salopes qui posent à poil. Si t'as une couille avec le cul, ne rejette pas ça sur le voile. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le torse à en couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le monde. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le torse à en couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le monde. Les Rasta Gangsta et ceux en première ligne. Mange sa casse-toi, on soutient la Palestine. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le torse à en couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le monde. Le temps passe et on ne cesse de voir des frères tomber, bomber le torse à en couler. Calculer de la tombe et tomber sur des bombes. Bomber un cœur en peine, c'est comme se poser sur le monde.